deuxièmement, l'art et la vie. Nous demandons à citer ici le passage suivant d'un article paru sous notre signature dans l'événement du 13 avril 1891. Si nous entrevoyons l'art comme but suprême de la vie, c'est dans la science que nous voulons le chercher, non dans la révélation. Pour nous, l'art, c'est la toute science, c'est un rapport numérique, que l'intuition fait quelquefois découvrir, mais qui est déterminé par des lois mathématiques qu'il s'agit de formuler. On nous a reproché de vouloir le ravaler au niveau des foules ignorantes, erreurs ou préjugés. Ce sont les foules que nous voulons élever aux conceptions artistiques les plus nobles, car pour nous, il n'y a pas d'hommes supérieurs, il n'y a que des hommes inférieurs. Le sens esthétique étant le mode le plus élevé de la jouissance et participant du fonctionnement régulier des autres sens, pour en assurer à tous les hommes le développement complet, nous devons réclamer pour chaque individu la plénitude des jouissances matérielles. C'est pour l'humanité tout entière l'idée du vieil adage latin « mens sana in corpore sano » que nous devons réaliser. Ainsi, le socialisme, qu'un des préjugés régnants disait être la négation de l'art pour l'art, en serait au contraire la voie directe, le moyen, l'affirmation. La faculté par laquelle nous concevons une œuvre d'art n'est point particulière. Elle résulte de l'harmonie parfaite de toutes les autres. La santé du corps et la tranquillité de l'esprit sont indispensables à l'artiste. Un homme débile et souffrant, en proie aux soucis de l'existence matérielle, et quelquefois terrassé par la faim, peut avoir de beaux mouvements d'indignation ou de révolte. Il est bien vite réduit à l'hébétement, à l'inertie, à l'impuissance. Il n'y a aujourd'hui que les rares privilégiés nés avec une fortune considérable qui pourraient, avec fruit, s'occuper de l'art pour l'art. Tous ceux qui n'ont pas la sécurité du lendemain sont les mercenaires du capital. Du moment qu'ils ont besoin pour vivre du produit de leurs œuvres, ils n'agissent pas en toute indépendance. Ils n'ont pas le droit de se réclamer de la famille des purs et incorruptibles esthètes. Quant à la question de savoir si les choses de l'art doivent être l'apanage de quelques-uns, ou le domaine de la collectivité, nous ne la poserons même pas pour des raisons que nous avons déjà données, et que nous développerons plus loin. Sans prétendre créer une génération d'artistes, nous voulons que tous les hommes soient capables de conceptions artistiques, qu'ils puissent sentir le beau, l'apprécier, le goûter, et que, s'il ne leur plaît pas à tous de produire des œuvres, ils en aient au moins la virtualité. Pour arriver à ce résultat, il est indispensable de créer un état social où chaque individu trouve, avec le maximum de bien-être possible, les moyens de culture intellectuelle, sans lesquels il ne peut parvenir à son complet épanouissement.